Quel est le lien entre le génie électrique et l'archéologie? A priori, on ne voit pas vraiment le rapport. Mais pour François Xavier Maldagues, il y en a pourtant un. Il est professeur au département de génie électrique à l'Université Laval et il travaille plus particulièrement sur la vision et la thermographie infrarouge. Et c'est cette technologie qui a permis de voir ce qu'il y a dans le ventre de la pyramide de Khéops en Égypte. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, Xavier Maldagues est avec nous au bout du fil et il va nous le raconter. Bonjour, Monsieur Maldagues. Oui, bonjour, Madame Levé. Oui, ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir. D'abord, j'aimerais bien tout de suite clarifier peut-être un petit point. Ce serait formidable si effectivement nos travaux avaient permis d'élucider bien des mystères autour des pyramides, mais il faut mentionner que nous faisons partie d'un consortium de chercheurs mm-hmm. et la vision infrarouge n'est qu'un élément oui. de la chaîne, finalement. Oui. Donc, il y a aussi des collègues de l'Institut Héritage, Innovation, Préservation à Paris, en France, et également du CEA, donc Commissariat Énergie Atomique en France, des collègues de l'Université de Nagoya, avec d'autres techniques mm-hmm. aussi. Mais effectivement, nous, avec nos techniques de vision infrarouge, nous avons contribué donc à comprendre certains aspects intéressants oui. de l'histoire des pyramides. Ben, je comprends bien tout ça, puis on va y venir un petit peu plus tard pour présenter un peu mieux le projet, mais j'aimerais qu'on commence par le début, parce que donc vous travaillez donc avec des technologies de vision infrarouge. Oui, donc exactement. En fait, thermographie infrarouge, donc en fait, ça consiste en quoi? Bon, en fait, l'infrarouge est très intéressant. L'infrarouge, ce sont des longueurs d'onde qui sont voisines du spectre visible. Nos yeux sont sensibles, comme on le sait, du bleu au rouge, mais il existe d'autres radiations en deçà du bleu et après le rouge. En deçà du bleu, on va avoir l'ultraviolet, les rayons X. Mm-hmm. Tout le monde connaît les rayons X quand on va chez le dentiste, par exemple, ou une radiographie pulmonaire. On sait que pour nos yeux, les ultraviolets sont dangereux, donc on nous recommande des bonnes lunettes quand on va au soleil. Et de l'autre côté du spectre, après le rouge, se trouve l'infrarouge. Donc, ce sont des radiations qui sont invisibles à nos yeux, mais que des caméras spécialisées, donc des caméras infrarouges, peuvent percevoir. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant de l'infrarouge, c'est que l'infrarouge est sensible à toute différence de température. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on peut essayer, à partir de cartographies de température qu'on obtient avec des caméras infrarouges, de percevoir des différences de température, dans le cas qui nous intéresse ici, donc les pyramides, qui vont être significatives et qui vont nous révéler éventuellement la présence d'anomalies mm-hmm. à l'aide de constructions à l'intérieur de la pyramide, par exemple des cavités. Donc, mm-hmm. c'est ce qu'on cherche et c'est un peu le moyen qu'on emploie pour trouver ces anomalies. Oui, ben avant qu'on arrive dans les pyramides, je vous sens presque impatient d'en arriver aux pyramides, mais j'imagine que vous, au département de génie électrique, initialement, vous ne travaillez pas sur les pyramides, vous utilisez l'infrarouge dans d'autres objectifs, donc j'aimerais mieux cerner un petit peu ce que vous faites avec les infrarouges. Oui, en fait, l'infrarouge est un domaine très intéressant, si je peux le mentionner. Évidemment, c'est le mien. Donc, on peut diviser l'infrarouge dans deux directions. Donc, il y a ce qu'on appelle l'infrarouge passif, par exemple. C'est peu employé au Canada, mais dans certains pays, c'est employé pour des diagnostics médicaux. Donc, à ce moment-là, on peut pointer une caméra infrarouge sur un animal ou sur une personne et, par exemple, observer des différences de température qui vont indiquer un problème de circulation mm-hmm. sanguine, par exemple, ou le début d'un cancer, ou encore un problème d'arthrose, d'arthrite, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la thermographie passive. Donc, on observe simplement le sujet et on enregistre les différences de température qui sont naturellement présentes. Mm-hmm. Un autre exemple, c'est la thermographie, par exemple, qui est de plus en plus employée pour, par exemple, faire un diagnostic énergétique d'un bâtiment. On peut comprendre facilement que si un bâtiment est peu isolé, l'hiver, il va dissiper plus d'énergie dans l'environnement. Oui. Et à ce moment-là, donc, les surfaces, les murs vont perdre de la chaleur. chaleur. Donc, à ce moment-là, les murs vont être chauds quand on les observe de l'extérieur par rapport à des murs qui sont bien isolés. Ah oui. Encore là, on ne fait qu'observer. L'observation est passive. Mais ça permet dans un bâtiment, par exemple, de détecter donc quelles sont les zones où il y a cette déperdition de chaleur? Exactement. Les zones qui sont mal isolées, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est ça. Mm-hmm. L'autre branche de la thermographie, c'est ce qu'on appelle la thermographie active. Dans ce cas-là, l'objet, le composant qu'on veut, ça sent, on n'en a pas beaucoup dans l'industrie, qu'on veut observer, est à la température de la pièce. Donc, si on l'observe avec une caméra infrarouge, la température de l'objet va être uniforme. Mm-hmm. Donc, et à ce moment-là, on doit stimuler de façon thermique l'objet pour engendrer des différences de température qui vont nous révéler sa structure interne. Donc, l'idée, c'est que dans ce cas-là, on va perturber, donc changer l'équilibre thermique de l'objet, par exemple en le chauffant. Et dès qu'on va chauffer cet objet, ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer sur cet objet des ondes thermiques. Mm-hmm. Ces ondes thermiques vont se propager à l'intérieur, un peu comme si on prend un caillou qu'on jette dans un lac l'été quand il n'y a pas de vent. On voit des petites ondelettes qui se propagent et qui vont éventuellement revenir vers le rivage. Elles vont rebondir, elles vont retourner d'où elles émanaient. Donc, c'est exactement la même chose aussi. Donc, on dépose de l'énergie, les ondes thermiques se propagent à l'intérieur de l'objet jusqu'à ce qu'elles rencontrent une interface. Mm-hmm. Et la question d'interface est très importante parce que nous servons beaucoup de ces techniques-là pour, dans l'aéronautique par exemple, pour voir si deux pièces sont bien collées, s'il y a la présence de corrosion, s'il y a des collements, des fissures, etc. Chaque fois, la présence d'une interface. Parce D'accord. que dès qu'il y a une interface, les ondes thermiques vont rebondir, vont revenir à la surface où elles vont apparaître sous forme de différence de température. Et donc, on va observer une carte de température qui ne sera pas uniforme à l'endroit où précisément où se trouvent ces différences de température qui sont reliées à la présence d'artefacts à l'intérieur, donc ce qu'on appelle des défauts à l'intérieur de l'objet. D'accord. Donc, comme ça, si ça permet de détecter des défauts qu'on ne pourrait pas voir sans démonter l'objet. L'infrarouge permet de voir l'invisible dans les objets. Ouais. C'est ça l'intérêt de la technique. Ouais. Mais l'infrarouge n'est pas la seule technique. Comme on le mentionnait tantôt, on pourrait employer les rayons X. Mm-hmm. Et il existe d'autres techniques aussi qui existent, qu'on appelle les techniques de contrôle non destructif. Mm-hmm. Donc, ces techniques de contrôle non destructif sont fort employées, notamment en aéronautique, pour des questions évidentes de sécurité. Parce que si à un moment donné, je sais pas, une aile se détache d'un avion, on comprend que la situation est dramatique. Est-ce que ces techniques se complètent ou est-ce qu'elles arrivent à des résultats qui se corroborent, qui se confirment les uns les autres? C'est une très excellente question. Toutes ces techniques ont des avantages et des défauts. Et elles ont des niches et évidemment les niches peuvent se recouper. Mm-hmm. Par exemple, les rayons X, tout le monde sait que c'est dangereux pour la santé et donc les surfaces qu'on peut imager en rayons X sont relativement limitées. L'infrarouge a des avantages et qu'on peut voir des plus grande surface. La radiation n'est pas du tout dangereuse. Par contre, il existe des problèmes de sensibilité donc qui vont nuire un petit peu à la et évidemment, donc on cherche des interfaces. Donc, la technique est sensible aux interfaces. Les rayons X vont être sensibles à des différences de densité dans des matériaux. Et on a d'autres techniques comme ça. Donc, il s'agit de trouver la bonne technique pour le bon problème. Mm-hmm. Est-ce que cette technologie avec les infrarouges, est-ce que ça fonctionne avec tous les types de matériaux, par exemple des matériaux mous, des matériaux s'il y a du liquide ou sur du métal, donc des matériaux conducteurs, oui, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est un autre problème de l'infrarouge, c'est que il y a une propriété fondamentale qui est nécessaire pour que la thermographie, ce qu'on appelle la thermographie infrarouge, puisse être déployée, c'est l'émissivité. L'émissivité, c'est la capacité d'une surface d'émettre de la radiation. En fait, une analogie très simple, c'est un miroir. Mm-hmm. Quand on regarde un miroir, en fait, on ne voit pas le miroir. On voit l'image qui se réfléchit dans le miroir, parce que le miroir est très réfléchissant. Donc, l'émissivité, c'est la même chose. Donc, l'objet, on peut ou bien très bien le voir, à ce moment-là, il est très peu réfléchissant, ou bien s'il est très réfléchissant, on ne le verra pas, mais on verra ce qui est dans les environs. Donc, c'est un paramètre, l'émissivité, qui varie entre 0 et 1. Pour la peau humaine, par exemple, l'émissivité est très élevée. Pour de l'aluminium, ou des métaux en général nus, donc comme l'or, le cuivre, l'aluminium, l'acier, etc., l'émissivité est basse. Mmh. Donc, à ce moment-là, donc ça limite la capacité de la thermographie infrarouge d'être déployée dans ces contextes. Mais à ce moment-là, on peut remédier à la situation, par exemple en recouvrant d'une peinture qui, elle, a une émissivité élevée. Mm-hmm. Donc, effectivement, le type de matériaux qu'on observe peut être limité par exemple, l'émissivité et d'autres aspects aussi. Mm-hmm. L'eau, par exemple, est un matériau très absorbant de l'infrarouge. Donc, on ne peut pas voir dans l'eau, mm-hmm. dans l'infrarouge. D'accord. Donc, maintenant, là, concerne un petit peu votre champ de travail, finalement, votre champ d'études, ben, j'aimerais que vous nous disiez comment vous en êtes arrivé à participer à ce projet de recherche sur la pyramide de Khéops. Comme vous disiez, c'était quand même un projet qui inclut plusieurs équipes. Donc, comment vous en êtes venu à rentrer dans ce projet? Oui, l'histoire est un petit peu très intéressante. En fait, c'est un de mes étudiants, qui était à l'époque un de mes étudiants gradués, Mathieu Klein, ici à l'Université Laval, qui était, on peut dire, passionné par l'archéologie, les pyramides. Et donc, il a vu donc qui avait ce projet donc d'investigation des pyramides en Égypte, et il savait aussi que nous ici au laboratoire à l'Université Laval, on était spécialisé dans la technique, comme on mentionnait tantôt, mm-hmm. de contrôle non destructif par thermographie infrarouge. Il a fait 1+1=2, donc il a contacté ces gens en France, donc qui parrainaient le projet de d'inspection des pyramides. Et les collègues français ont trouvé que nous pouvions leur apporter une expertise intéressante. Et c'est de là que ça a démarré. Je dois dire que ça a démarré déjà depuis quelques années. Donc, ça fait depuis 7 ans, je pense, qu'on était impliqués dans le projet de recherche sur les pyramides. Mm-hmm. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, simplement, un membre de l'équipe qui était intéressé, qui a vu qu'il y avait un potentiel de déployer l'infrarouge là-bas. Un peu comme nous, on le faisait, mais dans le cadre de l'aéronautique, parce que une grande partie de nos activités sont dans le domaine de l'aéronautique, mm-hmm. Comme on le mentionnait tantôt, mais de pousser les choses un peu à leur extrémité, parce qu'effectivement, le projet d'inspection des pyramides est vraiment extrême. Ben oui. Donc, en quoi consistait votre participation, vous, votre étudiant, dans ce projet? Est-ce qu'il est allé sur place? Il a pris des mesures? Effectivement. Donc, il y a eu plusieurs missions, au moins, je pense, 3 ou 4, où des membres de l'équipe, donc l'inspection des pyramides ici à l'Université Laval, se sont rendus en Égypte, donc au Caire. Il faut savoir que les pyramides dont on parle, et particulièrement donc la grande pyramide, celle de Khéops, est pratiquement dans la ville du Caire. On voit des belles images où on voit mm-hmm. la pyramide dans le sable, mais si on prenait l'image de l'autre côté de la pyramide, on verrait une ville, finalement. Si on va dans Google Maps, on peut, mm-hmm. et qu'on regarde le Caire, on voit immédiatement que la ville est à quelques centaines de mètres à peine des pyramides. Donc, notre équipe est allée là plusieurs fois, et nous avons, en fait, il y a deux techniques. On mentionnait tantôt, il y avait la technique de thermographie passive, la technique de thermographie active. En fait, les deux techniques peuvent être déployées dans le cas des pyramides, parce qu'on peut naturellement, ça, c'est une chose qu'on a faite, découvrir des anomalies thermiques sur la surface de la pyramide. Donc ça, on a fait ça, c'est ce qu'on appelle la thermographie passive. Mm-hmm. L'information est là, telle qu'elle est, à cause de la nature même de ce qui se trouve à l'intérieur de la pyramide et des conditions mm-hmm. thermiques ambiantes. Et ça, on l'a fait. On est allé plusieurs fois, et ça a permis, en collaboration avec nos partenaires dont on parlait mm-hmm. tout à l'heure, là, et qui font partie de l'opération Scan Pyramide, de révéler la présence de certaines cavités à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops. En fait, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le site Scan Pyramide, je pense que c'est scanpyramide.org, et là, donc, il y a des comptes rendus de toutes les missions mm-hmm. qui sont là. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a la face nord de la pyramide. La pyramide a été très bien construite, elle est pratiquement est-sud-nord-ouest. Mm-hmm. Et sur la face nord, il y a l'entrée monumentale. En fait, lorsque la pyramide a été construite, elle a été recouverte de calcaire blanc, de toura, donc, et il n'y avait plus aucun signe d'une entrée quelconque de la pyramide. Mais depuis des centaines d'années que la pyramide est exposée à tous les pillages et à les actes de l'histoire, il y a eu beaucoup de pierres qui ont été enlevées et on peut voir maintenant l'entrée monumentale. Mais cette entrée-là est bouchée. Mmh. Et en fait, nos efforts de recherche par thermographie infrarouge, combinés aussi avec la muongraphie, donc est une technique qui a été employée par, on mentionnait le commissariat à l'énergie atomique en France, et également les collègues japonais de Nagoya. Toutes ces techniques-là, avec des modélisations aussi, ont permis de confirmer la présence d'une cavité derrière le bouchon. Mmh. Il y a un bouchon derrière l'entrée principale. Donc, et derrière le bouchon, on estime effectivement qu'il y a une cavité. Qu'est-ce qu'il y a dans la cavité ou des bouts de la cavité, on n'en a aucune idée. Mais c'est une des découvertes qui a été faite. Récemment, en novembre, il y a eu une autre nouvelle qui a été parue dans la revue Nature, donc de la présence d'une énorme cavité à l'intérieur de la pyramide. Donc, il faut savoir, c'est une autre restriction. On mentionnait tantôt que chaque technique de contrôle non-destructif ont des avantages, ont des limitations. Une des limitations importantes de la thermographie infrarouge, c'est que c'est une technique qui est proche de la surface. Donc, dans le cas de ce qu'on a appelé la grande cavité intérieure de la pyramide de Khéops, la thermographie est absolument inopérante à ce moment-là, parce que les profondeurs, on parle de dizaines de mètres de profondeur. Donc, nous n'avons d'aucune façon collaborer avec de tout notre cœur, bien sûr, mais de façon technique et scientifique, nous n'avons pas pu collaborer à cette découverte. La seule découverte qui est en partie, seulement en partie, bien sûr, donc auquel nous avons contribué, donc c'est la cavité derrière le bouchon, bouchon de l'entrée de la face nord, en collaboration avec, parce qu'on a trouvé des anomalies thermiques là-bas, et on a modélisé aussi avec des modèles de la pyramide, et puis en rajoutant ces résultats-là avec les mesures qui avaient été faites par nos collègues japonais et français, on a pu finalement en analysant le problème de différentes façons, avec différentes mesures, tous les résultats donnaient la même chose, finalement, qu'il y avait une cavité qui était là-bas. Mais dans le cas de la grande cavité à l'intérieur, c'est seulement les murs. D'accord. Ben, j'aimerais savoir, M. Maldag, c'est quand même assez inhabituel pour vous de travailler sur ce genre d'objet. Je voudrais savoir si vous avez dû adapter vos technologies à la taille de l'objet ou à la nature pierreuse de l'objet. Oui, bon, ça c'est excellent aussi. Bon, comme on se mentionnait, la thermographie active, la thermographie passive. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait ne concerne que la thermographie passive. Le deuxième volet, qui est à mon avis fort intéressant, ce serait la thermographie active. Où là, finalement, donc, on stimule, comme on le fait sur les carlingues d'avion, on stimule de façon thermique, comme on l'expliquait tantôt, le petit caillou qu'on jette dans l'eau, donc la surface de la pyramide, et on étudie sa réponse. Dans le cas des avions, on les chauffe avec des lampes, de l'air chaud, différentes façons comme ça, mais on est maître de la stimulation. Mais les objets sont relativement petits. La pyramide fait, 145 mètres, je pense, de haut. L'objet est colossal, comme vous dites. On n'est pas habitué à travailler avec de tels objets. Il est unique sur la planète aussi. Donc, quelle est la seule façon... Comment est-ce qu'on peut stimuler de façon thermique un objet aussi grand? Avec le soleil? La seule façon, c'est avec le soleil, exactement. Et là, il faut savoir, on parlait des ondes thermiques qui se propagent à l'intérieur des objets. Il faut savoir que les ondes thermiques, elles ont l'avantage d'exister. Mais sinon, quand on regarde la physique qui est associée à ces ondes thermiques, à peu près tout nuit à leur détection et à leur propagation. Ce sont des ondes évanescentes, c'est-à-dire que plus elles se propagent à l'intérieur des objets, plus elles ont tendance à disparaître. Et dans le cas qui nous intéresse, on veut des ondes qui pénètrent profondément à l'intérieur de la pyramide pour essayer de sonder le maximum d'épaisseur sous la surface. Les ondes qui se propagent le plus à l'intérieur d'un objet sont les ondes dont la fréquence est la plus basse. Qu'est-ce qu'on peut employer comme ondes qui sont disponibles pour chauffer un tel objet avec de fréquence très très basse? C'est le cycle annuel des saisons. Donc, il fait un an. C'est le plus long qu'on peut avoir. Puisqu'on a le cycle diurne, mais là, on est seulement sur 24 heures. Donc, si on fait le calcul, ça va nous donner peut-être 20-40 cm de propagation. C'est pas grand-chose. Donc là, pour avoir une propagation la plus grande possible, le cycle annuel des saisons, et même si, évidemment, on parle du Caire, c'est pas Québec. Québec, l'avantage, on va dire, il fait glacial l'hiver, très chaud l'été. Ouais. Donc, on a des bons contrastes de température, peut-être, je sais pas, plus 30 l'été, peut-être plus 35, je ne sais pas, peut-être plus décembre, peut-être à moins 30, donc ça fait un bon écart. Le Caire, malgré tout, c'est un pays chaud, mais il fait froid pour eux, donc peut-être 10 degrés, 10, 15 degrés minimum la nuit, l'hiver, versus des températures qui sont très, très élevées, qui peuvent aller dans les 40 degrés l'été. Donc, ça, malgré tout, ça fait un contraste de température qui est important. Mais il faut savoir à ce moment-là que pour déployer la technique de thermographie active, en employant le cycle annuel des saisons, il va falloir observer sur au moins un cycle. Donc, les variations de température à la surface de la pyramide. Donc, pour ça, donc c'est ce qu'on aimerait bien faire. C'est la prochaine étape qu'on aimerait bien réaliser, c'est d'aller installer nos appareils au Caire pendant une longue période de temps pour pouvoir justement procéder à l'analyse avec la thermographie. C'est quand même assez intriguant comment de la physique vous avez pu arriver comme ça à étudier un objet archéologique. Donc, on voit bien le mariage un peu interdisciplinaire inattendu entre deux disciplines. Mais je me demande aussi, parce que là, on voit comment finalement la physique fait avancer des connaissances en archéologie. Je me demande si l'inverse est vrai aussi. Est-ce que ces recherches en archéologie vous ont permis de faire avancer vos connaissances dans votre domaine de la thermographie infrarouge? Je dirais qu'on a appliqué la technique qu'on emploie est connue dans le domaine aéronautique. C'est une technique qui est de routine. Donc, ce qui est spécial dans ce cas-ci, c'est l'objet. On a, avec des partenaires italiens, on aimerait bien aussi employer cette même technique. Peut-être que de vos auditeurs ont déjà été à Venise. Il y a la fameuse place Saint-Marc avec le palais des Doges. Qui est là-bas. Et ce palais-là, c'est pas aussi vieux, évidemment, que les pyramides. On a accès à l'intérieur, etc. Mais il a été construit avec des tuiles. Si on regarde la façade du palais des Doges, il y a des tuiles qui sont de pierre rouge et de pierre plus pâle. Ça fait un très joli ensemble qui est photographié par les touristes. Mais il y a quelques années, il y a une tuile qui s'est détachée, qui a frôlé l'épaule de quelqu'un qui était sur la place. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure, mais ça aurait pu être assez sévère. Et depuis, les autorités italiennes aimeraient bien s'assurer que toutes les tuiles sont bien adhérentes au substrat. Et avec nos collègues italiens, on a pensé, et pour ceux qui voient un peu qui ont été là-bas, il y a également une tour dans la place Saint-Marc. Et ce qui est intéressant, les épaisseurs sont beaucoup plus restreintes, on parle de quelques dizaines de centimètres, mais là, ce qui est intéressant, c'est que la tour qui est sur la place Saint-Marc fait une espèce de crée une ombre qui se déplace avec le soleil, et donc qui crée une onde de froid finalement sur la surface du palais des Doges. Donc en fait, on aimerait bien employer la même technique pour s'assurer, donc découvrir s'il y a des interfaces derrière donc les tuiles. Et donc à ce moment-là, s'il y a interface, peut-être que certaines tuiles sont mal collées. À ce moment-là, il y aurait lieu d'aller avec quelques échafaudages, enlever la tuile en question et la recoller. Donc on a déjà fait quelques tests préliminaires là-bas avec nos collègues italiens là, qui étaient quand même assez intéressants. Donc mais là, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller faire une étude complète. Effectivement, puis voyez-vous, donc la technique peut être raffinée, puisque là, effectivement, on peut employer une onde d'ombre, finalement, plutôt qu'une onde de chaleur là qui pourrait nous aider à aider, finalement, une bonne cause. Comme quoi, la physique vous fait sortir pas mal du laboratoire, vous entraîne à étudier des monuments, et des monuments parfois en archéologie. C'est quand même, c'était peut-être pas attendu quand vous aviez pris ce poste au département de génie. Effectivement, l'infrarouge mène à tout, parce qu'en fait, c'est une question de thermodynamique. À un moment donné, tout finit par se dissiper, toute énergie finit par se dissiper en chaleur, et là, on est là avec nos caméras infrarouges pour enregistrer les anomalies ou l'absence d'anomalies, ce qui est intéressant. Alors j'espère que vous allez poursuivre ces recherches un petit peu exotiques et que comme ça on aura l'occasion de vous entendre à nouveau nous faire part de vos recherches. Certainement, ça me fera bien plaisir. Là. Alors je vous remercie beaucoup, monsieur Maldag. Oui, ben, c'était très bien, Madame Levy. Donc à une prochaine fois et bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Donc je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Xavier Maldag, qui est professeur au département de génie électrique à l'Université Laval. et de la pyramide de Khéops, on va passer au comportement humain. Alors, pas d'infrarouge ici pour étudier le comportement humain, mais on va quand même se demander quelles sont les origines du comportement humain, comment on les étudie. Alors, restez avec nous sur CKRL au 89.1 pour avoir la réponse avec le professeur François Doré.